Chapitre 110. Multiplier le nombre de participants au repas. 755. Selon Abu Hurayrah, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « La nourriture de deux personnes est suffisante pour trois, et celle de trois pour quatre. » Al-Bukhari et Muslim. 756. Jabir, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « La nourriture d'une personne est suffisante pour deux. Celle de deux suffit à quatre personnes, et celle de quatre à huit personnes. » Muslim. 756.